Écoute. La mer à boire. Voici maintenant quelques expressions formées à partir du mot eau. Vous allez les écouter avec attention. Il y a beaucoup de pièces d'eau dans ce parc, c'est très agréable. Tu devrais mettre un peu d'eau dans ton vin, tu sais, et les gens te trouveraient alors un peu plus sympathique. De l'eau dans mon vin? Moi? Je suis comme je suis, c'est à prendre ou à laisser. Elle passe son temps à porter de l'eau à la rivière, et après elle s'étonne que tout le monde la considère comme une ingénue. Tous mes projets sont tombés à l'eau. Je suis vraiment découragée. J'aime beaucoup Marie. C'est une personne extrêmement calme, très douce, vraiment très agréable. Attention, tu sais bien qu'il n'est pire eau que l'eau qui dort. Voici quelques phrases relatives à la mer. Écoutez-les avec attention. Tu viens faire un tour avec moi en voilier? Comment est la mer? Une mer d'huile. Un ciel bleu et juste le vent qu'il faut pour une belle promenade. Syracuse, Marseille, en voilier. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le mal de mer? Pas du tout, mais c'est long. Allez, ce n'est pas la mer à boire. Des problèmes avec ma femme, des problèmes avec mes enfants, au bureau et partout, quelle vie! Oh, tu es vraiment en pleine mer à ce que je vois. Et ça te fait rire? Non. Mais tu sais bien qu'on arrive toujours à bon port avec un peu d'optimisme et de bonne volonté. Courage, vieux. Conversation. Je ne pourrai jamais. Tu as vu un peu ce plongeur là-haut? Je me demande comment il fait pour plonger de cette hauteur-là. Quel courage! Du courage, oui, il en faut. Mais il a dû aussi beaucoup travailler, c'est évident. Mon Dieu, regarde! Il va plonger. Et puis de son plongeoir, la piscine doit lui sembler toute petite. C'est vrai. Ah non, non, moi je ne pourrais jamais. Tu n'as jamais essayé? Jamais, jamais, jamais. Regarde, il plonge. C'est fantastique. Quel style. Quelle élégance. C'est aussi le côté esthétique de ce sport qui me fascine. Pas toi? Moi je trouve ça divin. Oh! Si j'avais un peu plus de courage. Tu es déjà montée là-haut? Si, une fois, il y a très longtemps. Et alors? Alors jamais plus. J'ai cru mourir de peur. Attention, il y a un autre plongeur. Oh, c'est trop beau. Tu as vu un peu ce plongeur là-haut? Je me demande comment il fait pour plonger de cette hauteur-là. Quel courage! Du courage, oui, il en faut. Mais il a dû aussi beaucoup travailler, c'est évident. Mon Dieu, regarde! Il va plonger. Et puis, de son plongeoir, la piscine doit lui sembler toute petite. C'est vrai. Ah non! Moi, je ne pourrai jamais. Tu n'as jamais essayé? Jamais, jamais, jamais. Regarde, il plonge. C'est fantastique. Quel style! Quelle élégance! C'est aussi le côté esthétique de ce sport qui me fascine. Pas toi? Moi, je trouve ça divin. Ah, si j'avais un peu plus de courage. Tu es déjà monté là-haut? Si, une fois, il y a très longtemps. Et alors? Alors, jamais plus. J'ai cru mourir de peur. Attention, il y a un autre plongeur. C'est trop beau. Où est-elle, la plage? Je vous l'avais dit que le temps était trop mauvais pour sortir. Calme-toi, chérie. Il n'y a aucun danger. Comment aucun danger? Le voilier menace de chavirer toutes les 5 minutes et tu me demandes de rester calme? Votre mari a raison, madame. La mer est un peu agitée, c'est vrai, mais ce n'est pas une tempête. Et puis, tu sais bien, chérie, que je n'oublie jamais les gilets de sauvetage. Et tu crois que ça peut me rassurer, ça? On ne voit même plus la côte, et je devrais nager tranquillement, sans poser de questions, vers la plage. Et d'ailleurs, où est-elle, la plage? De quel côté? Il suffit de prendre la boussole. Voilà, la plage devrait se trouver à tribord. Où ça? À droite, madame. Tribord, cela désigne la droite du navire. Oh non, vraiment, ça bouge trop. Je commence à me sentir mal. Le mal de mer? Le mal de tout. Le ciel va bientôt se dégager. Tu vas voir, chérie, un peu de patience. T'assures que c'est bien la dernière fois que je mets le pied sur ton voilier? C'est une question d'habitude, madame, vous verrez. Je ne verrai rien du tout. Et donne-moi un gilet de sauvetage, Pierre. On ne sait jamais. Et donne-moi aussi une cigarette. Mais si tu as le mal de mer? Donne-moi une cigarette, s'il te plaît, ça me calmera. On rentre au port, on vend le voilier et on achète une maison à la montagne, que tu le veuilles ou non. Je vous l'avais dit que le temps était trop mauvais pour sortir. Calme-toi, chérie. Il n'y a aucun danger. Comment aucun danger? Le voilier menace de chavirer toutes les 5 minutes et tu me demandes de rester calme? Votre mari a raison, madame. La mer est un peu agitée, c'est vrai, mais ce n'est pas une tempête. Et puis tu sais bien, chérie, que je n'oublie jamais les gilets de sauvetage. Et tu crois que ça peut me rassurer, ça? On ne voit même plus la côte. Et je devrais nager tranquillement, sans poser de questions, vers la plage? Et d'ailleurs, où est-elle, la plage? De quel côté? Il suffit de prendre la boussole. Voilà, la plage devrait se trouver à tribord. Où ça? À droite, madame. Tribord, cela désigne la droite du navire. Ah non, vraiment, ça bouge trop. Je commence à me sentir mal. Le mal de mer? Le mal de tout. Le ciel va bientôt se dégager. Tu vas voir, chérie. Un peu de patience. Je t'assure que c'est bien la dernière fois que je mets le pied sur ton voilier. C'est une question d'habitude, madame. Vous verrez. Je ne verrai rien du tout. Et donne-moi un gilet de sauvetage, Pierre. On ne sait jamais. Et donne-moi aussi une cigarette. Mais si tu as le mal de mer? Donne-moi une cigarette, s'il te plaît. Ça me calmera. On rentre au port, on vend le voilier et on achète une maison à la montagne, que tu le veuilles ou non. Unité 51. Prise de parole. Je ne suis pas un virtuose. Vous allez écouter et répéter maintenant ces quelques phrases sur la musique. Tu veux éteindre la radio, s'il te plaît? Tu sais bien que je ne peux pas vivre sans musique, que cela te plaise ou non. Moi, je n'écoute pas la musique pour me distraire. Ah non? Et pourquoi alors? Je suis une vraie mélomane. J'aime la musique avec passion. Tu devrais lire le dernier essai de ce musicologue sur Chopin. Il est vraiment très intéressant. Oh, moi, les compositeurs et les musiciens, je les écoute. Leur biographie, leurs idées ne m'intéressent pas du tout. Tu joues d'un instrument? Du piano, oui, mais je ne suis pas un virtuose, ça, pas du tout. Marie, tu veux nous jouer un morceau? Pendant que vous jouez au football dans la salle à manger? Ah ça, non alors. Je n'arriverai jamais à déchiffrer une partition, c'est trop difficile. Bien sûr, le solfège, ça ne s'apprend pas en 2 minutes. Et puis, pour solfier correctement, il faut battre la mesure, bien suivre le métronome et respecter le rythme. Allez, veux-tu me lire les notes de cette portée ? Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do. C'est une gamme. Continue. Do, mi, sol, do, mi, sol, do. Et ça, c'est un arpège, n'est-ce pas ? Tu m'avais dit que tu jouais du piano. Et ce n'est pas ce que je suis en train de faire ? Pas du tout. Tu es en train de jouer des accords. Ça fait 1 heure que tu joues des accords. Je ne t'ai jamais dit que j'étais un virtuose. Je n'aime pas le solfège. Il faut absolument que ça te plaise. Sinon, tu ne pourras jamais déchiffrer une partition. Le piano, ça me distrait. Je n'ai pas du tout envie de devenir un grand musicien. Prise de parole. Paul, un violoneux. Voici maintenant quelques phrases sur la musique classique. Vous allez les écouter et vous les répéterez lentement. Tu appelles ça jouer du piano ? Moi, je dirais plutôt pianoter. Je n'ai pas suivi les cours au conservatoire, moi. J'ai appris tout seul. Ça s'entend. Dans un orchestre, il y a bien sûr un piano, et puis... Les instruments à cordes, comme les violons, les violoncelles. Les instruments à vent, comme les cuivres. C'est-à-dire ? C'est-à-dire les trompettes. Et puis ? Les bois, la flûte, la clarinette. Et les percussions, avec les tambours. Tu joues de la guitare, toi ? Bien sûr. Chez nous, nous sommes guitaristes de père en fils. J'aimerais être pianiste. Moi, violoniste. Pourquoi violoniste ? Parce que je pourrais emporter mon instrument partout avec moi. Le violoncelliste de ce quintet est excellent. C'est un quatuor. Il y a 4 musiciens, compte-les. Moi, j'aimerais beaucoup être flûtiste, ou trompettiste, ou clarinettiste. J'adore le son de ces instruments. Comment appelle-t-on les musiciens qui jouent du tambour ? Des percussionnistes. Mais s'ils jouent dans l'armée, on les appelle alors des tambours. Un violoniste, Paul ? Un violoneux, tu veux dire ? Quand je pense qu'il joue dans un trio ? Voici maintenant un petit dialogue. Écoutez-le et répétez-le. Le chef d'orchestre nous a fait travailler comme des Romains à la répétition. La symphonie, nous l'avons jouée plus de 10 fois. Entière ? Bien sûr. Et tu veux me la jouer ? Pour moi, maintenant. Tout seul ? C'est impossible. Non, simplement ta partition. Tu veux bien me la jouer ? S'il te plaît. Comme chez Jacques l'autre soir. Mais je ne lui ai rien joué. Pas cette partition, non. Un petit morceau, c'est tout. Et tu veux bien me le jouer ? Ça me ferait tellement plaisir. Alors, je vais exécuter pour toi les premières notes d'un concerto de Ravel. Ça ira ? Tu es magnifique. Prise de parole. Histoire de chantage. Vous allez écouter maintenant quelques phrases à propos de la musique et vous les répéterez lentement. Qu'est-ce que tu préfères, toi ? La musique instrumentale ou la musique lyrique ? J'adore l'opéra. Le chœur du Nabucco, pour moi, c'est un chant presque divin. Mon père a toujours été passionné par le bel canto, par l'opérette aussi. Il a d'ailleurs lui-même une voix de basse magnifique. Tu devrais l'entendre quand il chante le samedi soir pour ses amis. Je ne savais pas que tu étais choriste dans une chorale. Depuis quand chantes-tu? Depuis que je suis née. Demain, c'est le 14 juillet, et le président va encore chanter l'hymne national. Et alors? Alors, tu ne l'as jamais entendu chanter? Il ne chante pas juste? Il chante faux! Mon Dieu, comme il chante faux! J'ai deux billets pour les maîtres chanteurs de Wagner. Ça t'intéresse? Les maîtres chanteurs? Wagner a composé quelque chose sur ces gens qui font chanter? Wagner qui met en musique une histoire de chantage. J'aurais vraiment tout entendu. Ce que c'est beau, l'italien. C'est vraiment une langue chantante. Je n'en peux plus. Je ne dors plus. Tu travailles trop. Moi? C'est à cause de ma voisine. Elle est cantatrice et elle commence à faire ses vocalises dès 7 heures. 7 heures. Tu te rends compte? Tous les jours. Même le dimanche. Vous allez maintenant écouter ce petit dialogue et vous le répéterez. Comme c'était beau hier soir, les chanteurs, le ténor et le baryton avaient une voix exceptionnelle, une tessiture vraiment incroyable. Et la soprano? Et les mezzo-soprani? Qu'est-ce que tu en dis? Grandissime. Tous. Et quel succès! Que de monde! En plus, la diva est une femme très belle. Tu crois qu'elle est mariée? Comment? Tu es encore tombé amoureux, Pierre! Prise de parole. Au Music Hall, début juillet. Voici maintenant quelques phrases sur la musique légère. Écoutez-les et répétez-les avec attention. Je préfère la musique légère à la musique lyrique. J'aime bien les airs dansants, faciles à retenir. Je trouve que tu as le physique pour devenir un chanteur de variété, un chanteur de charme, oui. Et en plus, tu chantes juste. Tu devrais y penser. Les chanteurs qu'on entend à la télé ne valent pas grand-chose, tu ne crois pas? Tu as raison. On devrait nous présenter plus souvent des auteurs, compositeurs, interprètes. Des gens comme Jacques Brel ou Léo Ferré. Aristide Bruand, c'était un chansonnier très connu à Paris qui chantait dans les cabarets. Quel est le parolier de cette chanson? Laquelle? Celle dont tu siffles le couplet tous les matins. Moi? Je siffle 1000 refrains le matin. Le tour de chant d'Aznavour. Oui. Il commence quand et où? À Paris, bien sûr, au Music Hall, début juillet. Tu m'avais promis des billets pour le festival. Tu as voulu me jouer un tour ou quoi? Excuse-moi, je suis désolé, vraiment, j'ai oublié. Dépêche-toi, c'est bientôt ton tour d'entrer en scène. Je suis prêt, j'arrive. Écoutez, répétez maintenant ce petit dialogue. J'ai fait 3 fois le tour du jardin, mais Jean, je ne l'ai trouvé nulle part. Bien sûr, il est au Music Hall avec ses copains. Au Music Hall? Mais il ne m'a rien dit. Il a eu son billet au dernier moment, c'est normal. Il avait assez d'argent, alors. Oui, mais les prix sont de toute façon scandaleux. De mon temps, une place valait beaucoup moins cher. Aujourd'hui, non seulement c'est très cher, mais en plus, il faut faire la queue pour en avoir. Écoute. Une nuit au violon. Voici quelques phrases formées à partir de quelques expressions imagées. Vous allez donc les écouter avec attention. Papa, tu as vu, il y a un groupe rock en ville. J'ai compris. Tu as besoin d'un peu d'argent, c'est ça? Oui. Ah, tous ces chanteurs qui hurlent dans leur micro. Non, moi, je ne suis plus au diapason. Et en plus, tu chantes toujours la même chanson, papa. Il est presque 8 heures et Jean n'est pas encore arrivé. Nous allons être en retard. Ne t'inquiète pas, Jean est réglé comme du papier à musique. S'il t'a dit qu'il serait là à 8 heures, il sera là à 8 heures. Tu verras. Marie, dans une chorale? Mais c'est impossible. Et pour quelle raison? Parce qu'elle chante comme une crécelle, voyons. On va au concert ou au stade dimanche prochain? Comme ça te chante. Tu te rends compte? Ton fils vient de passer une nuit au violon et tu n'as rien à lui dire. Cette fois-ci, non. Mais si ça recommence, je le mets dehors, tambour battant. Je pensais qu'il y avait une conférence de presse tout de suite après le spectacle. Il devait y en avoir une. Mais après le concert, le chef d'orchestre est parti sans tambour ni trompette. Ses musiciens n'avaient pas bien joué et il a préféré filer à l'anglaise. Oui, cette cantatrice chante bien, mais elle ne deviendra jamais une diva. Ah bon? Une diva avec un nez en trompette? On n'a jamais vu ça. Conversation. La pianiste tremble de peur. Mesdames, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons commencer les répétitions. Et nous terminerons plus tôt que la dernière fois, j'espère. Madame la harpiste, il y a un problème? Je disais que nous aimerions terminer vers 8 heures et pas en pleine nuit comme hier. Nous terminerons quand vous réussirez à exécuter cette symphonie, dans 1 heure ou dans 6. Tout cela dépend de vous, messieurs les musiciens. Monsieur, nos violons souffrent avec cette chaleur. Les cordes se cassent plus facilement, vous le savez bien, et il faut du temps pour les remplacer. Et vous avez une solution à nous proposer? La climatisation, monsieur. Le violoniste a raison, on ne peut pas jouer correctement dans ces conditions. Et je me demande quel orchestre accepterait de le faire. C'est vrai ça, les cordes, les bois, les cuivres, tous les instruments deviennent plus fragiles avec la chaleur. Moi, je propose de faire grève. La grève? Oui, oui. Messieurs, vous n'y pensez pas, le concert est dans 3 jours. La grève, oui, nous devons faire la grève. Qui est d'accord? Que les musiciens qui sont d'accord lèvent la main. Mais vous êtes tous fous, messieurs, une grève maintenant? C'est de la folie. Je crois que le résultat est évident, monsieur. Nous venons de voter une grève générale pour pouvoir travailler dans des conditions plus humaines. Aucun chef d'orchestre n'acceptera plus de vous diriger, messieurs. Vous pouvez en être certain. Il a peut-être raison. Moi, je vous donne le là, d'accord? Et on oublie cette histoire. La pianiste tremble de peur à ce que je vois. J'oubliais. Ce qui intéresse les pianistes, c'est la gloire, bien sûr. Et pour la gloire, il faut plaire au chef d'orchestre. Nous resterons toujours des petits musiciens sans importance, des percussionnistes et des flûtistes anonymes. Mais eux, alors, vous pensez bien, une grève pour obtenir la climatisation? Il a peut-être raison. Tiens, les violonistes ont peur, eux aussi. Personne n'a peur, ni les pianistes, ni les violonistes, ni les violoncellistes. Mais après tout, la grève, ça peut attendre. Le chef d'orchestre a raison. Le concert est dans 3 jours, on en reparlera après. La musique avant toute chose. Bien, vous êtes prêts, messieurs? Non. Silence. Mesdames, messieurs, un peu de silence, s'il vous plaît. Nous allons commencer les répétitions. Et nous terminerons plus tôt que la dernière fois, j'espère. Madame la harpiste, il y a un problème? Je disais que nous aimerions terminer vers 8 heures et pas en pleine nuit comme hier. Nous terminerons quand vous réussirez à exécuter cette symphonie, dans 1 heure ou dans 6. Tout cela dépend de vous, messieurs les musiciens. Monsieur, nos violons souffrent avec cette chaleur. Les cordes se cassent plus facilement, vous le savez bien. Et il faut du temps pour les remplacer. Et vous avez une solution à nous proposer? La climatisation, monsieur. Le violoniste a raison. On ne peut pas jouer correctement dans ces conditions. Et je me demande quel orchestre accepterait de le faire. C'est vrai ça. Les cordes, les bois, les cuivres, tous les instruments deviennent plus fragiles avec la chaleur. Moi, je propose de faire grève.